cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن يقرأ المتن بما وصف به نفسه في كتابه ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم نفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله الصادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما يعلمون ولله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين سلامة ما قاله من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصم به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت. في درسنا الأخير قرأنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله C'est un kalam muhim, c'est des usul, azima fi hadha al-bab, des fondements, des règles importantes pour comprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-yawm naqra bi tawfiq Allah azza wa jalla kalam al-Sheikh Sa'di ay l'explication. Qala rahimahullah, dhakara al-musannif rahimahullah hadha al-asl wa al-dhabit al-azim في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل نعم أي دي règles avant de détailler أي avant de citer les attributs d'Allah سبحانه وتعالى أو quelques attributs d'Allah عز وجل من القرآن أو من السنة et هذا c'est مفيد avant de rentrer dans les détails de comprendre la base هذا الكلام que شيخ الإسلام il a cité رحمه الله et qu'on a détaillé كثيراً في القواعد المتلى الإمام العثيمين رحمه الله تعالى c'est applicable pour tous les attributs الإيمان بما وصف به نفسه donc نؤمن بما وصف الله به نفسه dans le Coran أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أي dans la sunna. نعم اي نؤمن بما وصف الله به نفسه في القران كذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنه اي ان الصفات وهكذا الاسماء اسم من باب التوقيف لا بد من دليل من القران او من السنه on peut pas parler الرأي في هذا الباب أو الاجتهاد أو قياس أو قيل أو قال obligé d'avoir un texte clair, صحيح qui montre que Allah سبحانه وتعالى il a tel attribut قال رحمه الله قبل أن يشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة فيستقيم له إيمانه ويسلم من الانحراف. donc هذا الكلام بمنزلة القاعدة. c'est une règle. toutes les صفات, tous les attributs, tu dois les comprendre هكذا. ou tu dois plutôt appliquer cette règle. تؤمن بالصفة et tu t'écartes هذه الأمور التكييف والتمثيل إلى آخره. فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل. يتقدم معنا أن الله عز وجل أعلم بنفسه كما قال شيخ الإسلام، إنه سبحانه أعلم بنفسه من وبغيره. Et ça montre qu'on doit revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-bab. Amma al-ba'd fa yakseb certaines sifat, il rejette d'autres bila dalil. Fanharafu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-alim. Il sait tout. On doit revenir à sa parole subhanahu. Kadhalik à son messager alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète alayhi salatu wa salam, annahu il a tel attribut. Il y a juste de délaisser hadha al-wahi al-azim, de délaisser la révélation, surtout dans ce domaine, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance, al-iman, et la foi, tout ce qui est lié à l'invisible. Al-haqiqa, on n'a que ce moyen pour connaître, pour savoir. Et là, c'est du domaine de l'invisible. Qui c'est qui va nous informer? Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé al-kitab, il a révélé as-sunnah au prophète alayhi salatu wa salam, on est obligé de revenir. Falihada qala yajib wa yata'ayyan. C'est obligatoire. On n'a pas le choix fi hada. Al-iman bi kulli ma akhbara Allah bihi fi kitabihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam 'an rabbih imanan sahihan saliman. هذا الإيمان يفكس وصحيح يفكس والسالم من التحريف والتعطيل وكذلك من التكييف والتمثيل. قال سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل. كي nous rappelle la définition du tahrif qu'on a vu ensemble. عندما التحريف ما هو؟ من يزيد تفسير صفات من صفات الله بغير ما نزل على والتعطيل عندما من هنا تفضل نفي صفاته لله تعالى. نعم نفي الصفة الجحود لفد ان باك خوار دو لا روجيتي عيادا بالله. هنا قال شيخ ابن باز رحمه الله سلب الصفة ونفيها. هذا والتعطيل. Il y a plusieurs degrés. Man yadhkur, on les a cités à dhan kathiran, ma'akum ou ma'a ghayrikum, tfaddal. Ta'atil asma'illahi wa sifatihi. Ta'atil kulli. Imma ta'atil kulli, et le fait de tout rejeter, l'asma wa sifat. Ahsan, zid, ou ta'atil. Ta'atil juz'i. Ta'atil imma sifatillah, imma shi'i. نعم تعطيل جزئي أي شيء من من من الصفات. فسأنقلب في الحقيقة جميع المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية etc. tous ces groupes égarés. وبعضهم ils ont accepté certaines صفات، بعضهم ils ont rejeté toutes les صفات، بعضهم ils ont rejeté les noms et les attributs. التعطيل اللي على أنواع. على كل حال التعطيل لا يجوز في هذا الباب. Si on a un dalil, on doit accepter. On a précisé لماذا عطلوا هؤلاء كلهم avant de faire du تعطيل ماذا أو وقعوا في ماذا عند من عندك في التمثيل. Avant de faire du تعطيل أو c'est quoi qui les a poussés à faire du تعطيل أنهم وقعوا في التمثيل. C'est qui explique هذا بكلام مختصر سهل. Tu as compris الان تفضل. نعم لما ظنوا quand ils ont cru, quand ils ont pensé que le fait de dire que Allah il descend, il a un visage, il a des mains, il a akhiré, pour eux automatiquement ils sont comparés avec la créature. Et là chacun Allah عز وجل ne ressemble pas à la créature. Enfin ils ont pensé que هذه الصفات c'était pas al-murad. Et haqiqatuha, ce n'était pas le murad. Wa'adhum, attalou, ils ont dit Allah, il n'a pas de main, il a akhri. Wa'adhum, ils ont dit, les mains, ça veut dire telle chose. Et attalou, haqiqat as-siva. C'est tous des mu'attila. Wa yatafawatoun fi ad-dalal wal-inhiraf. Qala, at-tahrif, min at-tahrif, wa-t-ta'til, wa-saliman min at-takif. Ma ma'na at-takif? Tfaddal. Na'am, bayanu. الهيئة التي تكون عليها الصفات أي سيتي الكيف أي le comment la décrire عيادا بالله أي هذه الصفات ça c'est très très grave والتمثيل فواضح قال بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص هذا الباب في الحقيقة on doit se soumettre تماما. On n'a pas à rejeter, à ajouter. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana annahu il descend le dernier tiers de chaque nuit. On n'a'taqid nu'min anna Allah azza wa jal il descend le dernier tiers de chaque nuit. La nazid, on n'a pas besoin de rajouter. Ouvrir des abouab, iyadam billah, kama fa'ala al-munharifoun min al-ash'a'ira wa ghayrihim. Ils ont ajouté, ils ont dit na'am Allah il descend, lakin al-murad. Le vrai sens, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu révéler au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est que c'est un ange parmi les anges d'Allah qui descend. Ils ont ajouté man qala hadha. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam il nous a pas montré si c'est vraiment cela le sens? Pourquoi le Nabi salatu wa sallam il nous a pas dit Allah il descend, en fait ça veut dire que c'est un ange d'Allah qui descend? Ah, le prophète salatu wa sallam qala yanzilu rabbuna, Allah il descend. C'est pour ça que tu trouveras dans le même texte en général, le texte où l'attribut est cité, en général tu trouveras Rad ala ha'oula. Tu trouveras dans le texte qu'ils interprètent une réfutation contre leur tahrif. Maintenant, si on prend un hadith Abi Huraira radiallahu anhu qu'on vient de citer, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yanzil rabbuna. Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Fi thuluth al-akhir min al-layl. Kul layla. Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Chaque nuit, le dernier tiers, il descend le dernier tiers de chaque nuit. Azza wa jal. Fal-haqiqa, dans le hadith, tu as un rad ala ha'oula al-muharrifa. Ceux qui disent, c'est la rahma qui descend, ou c'est un ange. Indaman. Tadhkuroun hada. Tfaddal. Tadhkur, tfaddal. تقول ذلك أحسنت أن المم حديث للبروفة صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له. C'est qui m'invoque, c'est qui me demande, enfin je lui réponds. Est-ce qu'un ange il va dire هذا? Un ange je peux pas dire هذا. Un ange lui-même c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre أن celui qui descend c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ils ont interprété par الرحمه, c'est la miséricorde qui descend. Est-ce que la miséricorde, elle descend le dernier tiers de la nuit, faqat? Est-ce que la miséricorde, elle descend au premier ciel seulement? Là, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il la fait descendre où il veut, quand il veut. C'est pas limité au premier ciel et au dernier tiers. Ça nous montre, elle n'a celui qui descend. C'est Allah azza wa jal, haqiqatan. Lakin, vu qu'ils ont comparé avec le makhluk, ils se sont sentis obligés, imma de rejeter complètement, حال المعتزلة والجهمية. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il descend pas. إما ils se sont sentis obligés d'interpréter حال المحرفة الأشاعرة وغيرهم. Ils ont dit c'est un ange ou c'est la miséricorde ou غير ذلك. قال رحمه الله فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحد فكما أن الله فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات وله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. هذا سان كلام مهم que vous retrouverez souvent في كتب الاعتقاد في هذا الباب باب الصفات أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات. كم الله سبحانه وتعالى له ذات qui ne ressemble pas aux ذوات des créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il ressemble pas aux créatures, fa hakada ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Pourquoi différencier? لأن الصفة السوي الذات. مثلا الله سبحانه وتعالى il a du علم vu que c'est le علم d'Allah عز وجل, c'est un علم parfait. L'être humain, il peut avoir du علم vu que c'est un être humain faible, tu trouveras de la faiblesse dans son علم. وهكذا sa vie, هكذا sa force, هكذا sa رحمة, هكذا sa قدرة, sa capacité, toutes les صفات. قال رحمه الله فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه. هنا il a cité les deux extrêmes. Un extrême qui a rejeté إما complètement إما ou plutôt إما directement avec des تأويلات تحريفات plutôt en interprétant en déformant ou rejeter complètement. Fahuna, tu as le mu'attila, al-jahmiya, al-mu'tazila, et ceux qui ont rejeté partiellement ou indirectement, al-ash'ari'a et ceux qui les ont suivis. Tu as un autre extrême, al-ladhina mathalu, ayyadun billah. Et ceux qui ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Ils ont dit, naam, Allah il a des sifat, et ces sifat, c'est comme les sifat des créatures. Ces deux extrêmes, ils se sont égarés. On a un verset qui nous permet de répondre aux deux extrêmes. Indaman. Naam, fatfaddal. Aïna al-rad ala al-mu'attila wa aïna al-rad ala al-mumathila dans ce verset. Ala al-mu'attil. والسمع هنا نعم والرد على الممثل أحسنت ليس كمثله شيء سنرد على الممثلة ceux qui disent qu'Allah ressemble aux créatures et قوله وهو السميع البصير سنرد على المعطلة ceux qui disent qu'Allah il a pas de صفات parce que dans ce verset Allah il a démontré clairement أنه il ressemble pas aux créatures et أنه il a des attributs. Et vous avez remarqué que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité sifatu sam' ou al-basar. Et taqaddam ma'ana anna ba'd ahli al-'ilm ils ont démontré anna ces deux attributs ils sont beaucoup répandus chez les créatures. Et tu as beaucoup de créatures qui voient et qui entendent. Allah subhanahu wa ta'ala il voit et il entend, lakin il ressemble pas à ces créatures. Laysa kamithlihi shay'. Ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. C'est ça aqidatu as-salaf. في هذا الباب إثبات بلا تمثيل on fait du إثبات et on accepte les attributs sans faire ressembler à la créature on dit Allah subhanahu wa ta'ala il voit et il entend c'est Sami c'est le Basir lakin pas comme les créatures وتنزيه بلا تعطيل et كذلك ننزه Allah subhanahu wa ta'ala عن الشبيع عن المثل عن النقائص والعيوب et on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble pas aux créatures il a pas d'imperfection lakin sans faire de تعطيل sans rejeter l'attribut. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Sami' et c'est le Basir. Qala wal farq bayna at-tahrif wa at-ta'til. Anna at-ta'til nafy lil ma'na al-haq alladhi dalla alayhi al-kitab wa as-sunnah wa at-tahrif tafsir lin nusus bil ma'ani al-batila allati la tadul alayha bi wajhin min al-wujuh. Donc at-ta'til c'est le fait de rejeter as-sifa qui est cité dans le Coran ou dans la Sunna. مثلاً, الجهمية المعتزلة, ils disent, ils prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de main, il n'a pas de visage, il ne descend pas le dernier tiers de la nuit. Il a akhir. Il rejette les sifat. Pourquoi? Pour eux, le fait de dire qu'Allah il a ses attributs, c'est forcément le faire ressembler à la créature. Ils se sont égarés min hadha al-bab. At-tahrif, c'est tafsir lin-nusus bil-ma'ani al-batila. Vous avez remarqué que l'égarement, c'est le même à la base. Pourquoi Al-Mu'attil, il rejette les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imana, l'yanao, il pense que si tu dis qu'Allah il a des attributs, tu le feras ressembler à la créature. Ils ont rejeté. Le deuxième qism, c'est la même chose, Al-Mu'harrifa, à la base. Pourquoi ils ont fait hadat tafsir al-batil? Pourquoi ils se sont sentis obligés d'expliquer selon eux? Fait le haqiqa, ils déforment, yuharrifoun. L'imana, l'yanao, si tu n'expliques pas indahum, tu fais ressembler Allah à la créature. Kadhalik, ils se sont rejoints sur un autre point, là, les deux, ils rejettent as-sifa. Donc, ils sont d'accord sur l'asl, Et ils sont d'accord. Kadalik fin natija. Al-asl, c'est l'éloignement de faire ressembler Allah à la créature. Et al-natija, le résultat, c'est le même. Ces deux groupes, ils ont rejeté as-sifa. Lakin, avec un moyen différent. Le premier groupe, attalou directement. Le deuxième groupe, ils ont expliqué l'as-sifa. Et fil haqiqa, ils ont rejeté l'attribut. C'est pour ça que les deux, ces deux groupes, ils font partie de Mu'attila. قال والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. فما عطلوا وما حرفوا. Les deux groupes, Mu'attila et Muharrifa, ils se sont pas égarés qu'après avoir pensé, avoir cru que Allah subhanahu wa ta'ala, si on lui attribue هذه الصفات qui sont citées في القرآن وفي السنة, c'est une ressemblance aux créatures. Et ça, c'est très très grave. C'est très très grave. لأن الحق c'est مذهب أهل السنة. Tu acceptes la sifa et tu as la ferme conviction que Allah ne ressemble pas aux créatures. مثلاً نحن on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Il a un wajh, il a des mains. Il a السمع والبصر, il a آخر. Et on dit c'est pas comme les créatures. مثلاً Allah ne ressemble pas aux créatures. Enfin, on a accepté la sifa. Et on s'est écarté du tamthil. C'est ça, madhhab al-salaf. Qala rahimahullah. Fattahrif wa ta'til qad yakuna mutalazimain. Ohna, un tambih fil hashiya, qal as-sawab yakunani. Naam. Il manque un noun dans al-matn. Ou dans le sharh plutôt de Cheikh Sa'di. Qad yakunani mutalazimain idha uthbita al-ma'na al-batil wa nufya al-ma'na al-haq. نعم التحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق أي أن كل محرف سمعطل si rejette le vrai sens فالحقيقة il a rejeté l'attribut et s'il a rejeté l'attribut il est comme المعطل من الجهمية والمعتزلة qui ont rejeté l'attribut مثلا on prend صفة اليدين Al-Mu'attila, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, etc. Ils rejettent clairement l'attribut. Ils disent qu'Allah, il n'a pas de main. Al-Muharrifa, ils disent que les mains, Bal-Yadahu, Mabsoutatan, et d'autres adillah, ils disent que Al-Ma'na, c'est Al-Quwa, Al-Qudra, c'est la force, c'est la puissance, etc. Est-ce que Al-Muharrifa, ils ont affirmé, ils ont la ferme conviction, Allah, il a des mains là? Pour eux, ce n'est pas des vraies mains. Pour eux, c'est la force, c'est la puissance, c'est les bienfaits d'Allah. Donc, ils sont d'accord, les deux groupes, qu'Allah, il n'a pas de main. Et pour les deux groupes, si tu prétends qu'Allah, il a des mains, t'es un mumathil. C'est pour ça que ha'oula kulluhum yuharibuna ahl sunnah. Ils disent quoi? En parlant du sunni, ou ils l'accusent de quoi? D'être un mujassim. Mujassim, ça vient de l'jism. L'jism. L'jism en arabe, c'est le corps. Et ils accusent les sunnites de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'Allah il a des vraies mains. Lakin on dit qu'Allah il a des vraies mains et ce n'est pas des mains comme celles des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il existait, c'est l'awwal, et l'être humain il n'existait pas encore. Enfin, comment le faire comparer à l'être humain? C'est min abdal al-batil. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains, des vraies mains, et on ne sait pas comment elles sont, Allahu a'lam. Et il a créé l'être humain, mathalan, et d'autres créatures avec des mains. Et il t'a informé annahu laysa kamithlihi shay. Il t'a informé annahu rien ne lui ressemble. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Sauf pour celui, iyadan billah, qui a le cœur malade. Qala rahimahullah, wa qad yujad at-ta'til bila tahrif. Kama huwa qawl an-nafin li-sifat alladhina yanfuna as-sifat al-warida fi al-kitab wa as-sunnah wa yaqulun zahiruha ghayr murad. Et Al-Mu'attila, ce n'est pas des Muharrifa. Ils n'ont pas fait de tahrif. Maintenant, Al-Jahmiya, est-ce qu'ils ont fait du tahrif fi sifat al-yadayn? Là, ils disent Allah, il n'a pas de main. Ils n'ont pas besoin d'expliquer par un sens batil. Eux, directement, iyadan billah, ils disent Allah, il n'a pas de main. Enfin, on peut l'akhaz hadha al-kalam, anna kulla Muharrif, Mu'attil, chaque Muharrif, Al-Muharrif, c'est celui qui fait du tahrif, celui qui déforme, celui qui explique les textes avec un sens faux. هذا c'est forcément معطل لماذا لانه يرجت الاتريبيو وليس كل معطل محرف أما المعطلة c'est pas forcément des محرفة لماذا؟ لأن بعضهم يرجد directement l'attribut sans faire de تحريف. قال ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد. هذه شبهة الجميع. Ils disent que ظاهرها c'est pas le مراد. بعضهم ils ont rejeté et بعضهم ils l'ont interprété. غير مراد أي يقولون أن si tu la laisses على ظاهرها c'est une ressemblance à la créature. مثلا لما هذا واللي الحين تقدم معنا كثيرا أنه سباطل. قال ولكنهم لا يعينون معنى آخر أي المعطلة ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش. التفويض c'est une autre chose في الحقيقة. On a quatre éléments importants pour l'instant. On a كما قال شيخ الإسلام on répète son كلام من غير تحريف ça c'est le premier ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ces quatre choses c'est très très grave et on les a expliqués والله الحمد dans le درس précédent et on profite aujourd'hui de كلام الشيخ السعدي والله الحمد وهنا إلى ستة une autre chose c'est التفويض et التفويض في الحقيقة c'est du تعطيل كذلك. Qui c'est qui peut nous rappeler c'est quoi At-Tafwid? Madri, est-ce qu'on l'a déjà cité Amla? Faman, hein, Tfattal? Ça veut dire quoi At-Tafwid al-Ma'na? Donc, At-Tafwid c'est quoi At-Tafwid al-Ma'na? Limada? La ahad ya'lam wa yafham, ahsant. Donc, التفويض, c'est le fait de prétendre que la personne ne connaît le sens. Et on a un tabihou. C'est plus subtil que les égarements précédents. C'est plus précis. On garde toujours l'exemple des mains. Eux, ils disent, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé qu'il a des mains, mais personne ne sait c'est quoi des mains. C'est quoi la différence avec Ahl al-Sunnah par rapport à Al-Ma'na? Eux, ils disent personne connaît le ma'na. Ahl al-Sunnah, ils disent quoi? Ahsant, le ma'na ma'ruf. Comment on connaît le ma'na? Indak? Plus précis? Bilougat al-Arabiyya. Bilougat al-Arab. Ou al-Lougat al-Arabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran avec une langue arabe claire. Et il nous a informé qu'il a des mains. On sait c'est quoi des mains. Est-ce que les mains, c'est l'ilm? C'est la science là? Est-ce que les mains, c'est la force dans le verset qu'on a cité là? Donc, c'est des vraies mains. Donc, la différence entre Tafwid al-Mu'attila et Ahl al-Sunnah, c'est quoi? Indak? Indaman? Fadal? Anna Ahl al-Sunnah yufawwidhun al-Kayfiyyah. Ce qu'on ignore, c'est le Kayfiyyah, na'am. Amma al-Mufawwidha al-Dhullal, ils ont prétendu qu'on ignore le sens et le comment. Amma nahnu la, on connaît le sens. Pourquoi? Lian Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran en arabe. Wa amrana bit-tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran. Et ta'lamoun, on a beaucoup de versets du Coran, c'est sur les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Comment tu vas méditer une chose que tu ignores? Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des versets clairs. Amma prétendre qu'on ne connaît pas le sens des versets, des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est très très grave. Enfin, on répète l'an galam shir sa'di, qala wa yusammuna anfusahum mufawwidha wa yadhunnun anna hadha madhhab as-salaf wa huwa ghalatun fahish. Et beaucoup de gens ils se sont égarés vers hadha al-bab. Ils ont pensé que madhhab as-salaf c'était madhhab at-tafwid. Et il tabassa alayhim madha anna as-salaf yufawwidhun lakin fil kayfiyya. Pas fil ma'na. C'est pour ça que tu trouves min ru'us al-asha'ira. الذين تابوا ils ont fait tawba, ils ont délaissé madhhab al-ash'ari quand ils se sont aperçus que c'était de l'égarement et ils sont revenus à madhhab al-mufawwidha en pensant que c'était madhhab al-sunnah. وهذا لعله سياتي ان شاء الله في تقريب التدموريه. قال رحمه الله فان السلف يثبتون الصفات وانما يفوضون علم كيفيتها الى الله. Ça c'est très très important. Donc نثبت الصفة et on connaît le sens. Lakin, ce qu'on ignore, et c'est ça, tafouid, C'est le fait de ne pas se prononcer dans une chose, l'imana, l'anna, on ignore. C'est le kayfiyya. Al-kayf, majhoul. Qala, wa innama yufawiduna ilm kayfiyyatiha ila Allah, fa yakouloun al-wasf al-madhkour ma'loum. Ça, c'est basé sur athar al-imam Malik, rahmatullah alayhi. Il a nabba an hada al-shikh Sa'di, rahimahullah. Anna ahl al-sunna yakouloun anna al-wasf al-madhkour ili ma'loum. On connaît le sens de l'attribut. Allah il descend, on connaît le sens de descendre. Allah il a un visage, on sait c'est quoi un visage, on connaît le sens. Allah subhanahu wa ta'ala il a des doigts, on sait c'est quoi le sens des doigts. Est-ce que les doigts c'est le sens d'un pied, abadan? On connaît le sens. Qala wal kayf majhoul, amma le comment de cette seva, Allahu a'lam. Il y a une différence entre le ma'na et le kayfiyya. Et certains gens, ils n'ont pas fait la distinction et ils ont pensé que madhhab al-salaf c'était madhhab al-tafwid. Qala wal kayf majhoul wal iman bihi wajib wa ithbatuhu wajib wal su'al an kayfiyyatihi bid'ah kama qala al-imam Malik wa ghayruhu fil istiwa alayhim rahmatullah. Fahada thabata an al-imam Malik rahimahullah wa an ghayrih. لكن الأثر إلى مشهور عن الإمام مالك. هذا الأثر كما تقدم معنا on l'a expliqué plusieurs fois أنه الحقيقة c'est devenu une règle, c'est مذهب أهل السنة في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى وفق هذا الإمام بهذه المقولة. كذلك ثبتت عن غيره. الحقيقة c'est devenu un منهج طيب في هذا الباب, أي باب الصفات. Et ça t'a-t-il, ma'ana, incha'Allah ta'ala, avant le fitalkhis al-hamawiyya ou fitakrib al-tadmouriya, à les citer avec des détails. Qala wa amma qawluhu min ghayri takyifin wala tamthil fal-farq baynahuma. Donc, taqaddam ma'ana al-farq entre al-ta'til wa al-tahrif. Donc, al-ta'til, c'est le fait de rejeter. Et al-ta'rif, c'est le fait d'interpréter, de déformer. Et al-haqiqa, cette déformation, cette interprétation, elle pousse au ta'til. Fa kullu muharrif mu'attil, wa l'aks. Chaque muharrif, c'est un mu'attil. Celui qui déforme les textes, qui leur donne une fausse interprétation, fi bab al-sifat, forcément c'est un mu'attil. Limada liana, ce qui l'a poussé à interpréter, c'est son rejet de l'attribut. هذا تقدم. الآن نبص على دوزيام اتاب هنا, التكييف والتمثيل. قال التكييف هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها. ça c'est très très grave, le fait de rechercher le comment. لماذا؟ لأن c'est pas من طريق السلف رضي الله عنهم. et كذلك ça sera rien, بل c'est de l'égarement clair. comment rechercher une chose, se fatiguer fi hada, alors que c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana an sifatihi wa lam yukhbirna an al kayfiyya. Donc ça c'est rien. Bal al muwaffaq, il s'efforce à adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi muqtada hadhihi al ma'ani al azima, comme on a vu wa lillahi al hamd ensemble dans le dars sur les noms d'Allah azza wa jal. Si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il descend le dernier tiers de chaque nuit ila sama'i al dunya, au premier ciel. وَيَقُولْ مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبُ لَهِ إِلَىٰ آخِرِ. Fais des efforts pour faire partie de ceux qui sont réveillés à ce moment, faire du'a ila akhir. هَذَا هُوَ الْمُوَفَّقُ. Amma perdre du temps à chercher le comment, à chercher des contradictions. أولاً, ça pousse à l'égarement, يَدْمْ بِاللَّهِ. Et ثانياً, tu trouves هَؤُلَىٰ أَنَّهُمْ يَمَتْ pas en application مِتْلَ هَذِهِ النُّصُوصِ. لِمَاذَا لِأَنَّ الْقَلْبِ, leur cœur, il est occupé par le batil. قال والتمثيل أن يقال فيها أنها مثل صفات المخلوقين. تأملوا هذا الكلام كم إليه سامبل. أحيانا il y a des définitions, elles sont assez compliquées. والشيخ سعدي رحمه الله هكذا dans tous ses livres il simplifie au maximum. التمثيل أن يقال فيها أنها مثل صفات المخلوقين. تعريف très très simple. Le fait de prétendre que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont semblables aux attributs des créatures. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité الفرق لأن vous avez remarqué que هنا قال الشيخ السعدي فالفرق بينهما et il a cité la définition du takif, le fait de donner un comment, et la définition du tamthil, le fait de dire c'est pareil, c'est semblable. Donc c'est ça la différence. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه il a cité un kalam jamil, on peut le rajouter هنا قال الفرق بينهما, la différence entre التكييف والتمثيل أن التمثيل ذكر الصفة مقيد بمماثل التمثيل ذكر الصفة مقيد بمماثل فيقول هذا الممثل يد فلان مثل يد فلان صحيح التمثيل قال والتكييف ذكر الصفة ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل. Vous avez remarqué que si on revient au tamthil, at-tamthil c'est le fait de dire مثلاً la main de fulan elle est comme la main de fulan. Est-ce que في هذا الحال الممثل il a fait du takyif ام لا عند من تفضل. Comment tu as connu le kayfiyya, le comment? Ouais, il a dit, la main de un tel, elle est comme la main de un tel. Ahsant. Vu qu'il a prétendu qu'elle est comme la main de Fulan, fa'anta, si tu connais la première main, tu connaîtras la main qui est semblable. L'imada, elle est identique. Mathalan, ce livre que j'ai entre les mains, si je te dis, Anna, chez moi, j'ai un livre identique le même. Est-ce que tu connais la kayfiyya du livre que j'ai entre les mains? Na'am, li annaka tu le vois. Tu sais qu'il est de telle couleur, il a telle épaisseur, il a akhlaq. Est-ce que tu connais la kayfiyya du livre que j'ai chez moi? Na'am, li annahu il est identique. Donc, celui qui fait du tamthil, il a forcément fait du takyif. Kullu mumathil mukayyif. Mathalan, ceux qui ont prétendu iyadan billah anna les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme les mains de l'être humain. La chaque ils ont donné une kayfiyya. La kayfiyya, c'est comme la kayfiyya de l'être humain, parce qu'elle est identique. Hada, c'est du kufr, c'est de la mécréance, clair. Thumma qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa at-takyif dhikru as-sifa ghayr muqayyada bi mumathil. Ay ka'annahu yatasawwar hada al-insan shay'an fi dhihni. Wahid s'imagine quelque chose dans son cœur sans faire du tamthil. Mathalan, il s'imagine une main. Une main qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais entendu. Wahed qui a cette main. Avec tant de doigts, avec telle chose, telle chose. Hada, ayyadan billah, shaytan, yukhayyil lahu, il lui fait imaginer des choses. Mithl qala an taqul, kayfiyya yad fulan kada wa kada. Hada l'insan, ayyadan billah, il cite une kayfiyya incommun. Est-ce que hada, il a forcément fait du tamthil? Là, c'est une kayfiyya qu'on ne connaît pas. Elle a une main avec madri combien de doigts, avec telle chose, telle chose. قال الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكس. Chaque ممثل, il a forcément fait du takyif, comme on a expliqué précédemment, ولا عكس. المكيف, il n'a pas fait forcément du tamthil. Et هذا في الحقيقة ça demande un peu plus d'explication لكن à notre niveau pour l'instant si on a compris هذا فالحمد لله. On résume الآن. Chaque محرف c'est un معطل ولا عكس ولا عكس أي المعطل c'est pas forcément un محرف وكل ممثل مكيف. Celui qui fait du تمثيل il a fait du تكييف ولا عكس. Celui qui fait du تكييف il a pas forcément fait du تمثيل. Et tout ces choses, c'est de l'égarement, iyadan billah, fahdhar. Qala fa qawluhu ta'ala laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wa nafyi al-kuf wa an-nid wa as-sami' yanfi dhalika at-tamthil wa qul mithlahu fi as-sami' wal-basir wa qawluhu wa huwa as-sami'u al-basir wa nahwuha min ithbat asma'illahi wa sifatihi tanfi at-ta'til wa at-tahrim. Et hada taqaddam ma'ana au début. ليس كمثله شيء سرد على الممثلة وهو السميع البصير سرد على المعطلة المحرفة. قوله السميع البصير c'est un رد على المفوضة كذلك لأن الله السميع البصير il a révélé ce verset en langue arabe claire pour qu'on médite et qu'on comprenne et قوله ليس كمثله شيء كذلك c'est un رد على أهل التكييف comment prétendre connaître le comment alors que Allah قال ليس كمثله شيء est-ce que le mukayyif il a vu Allah عز وجل أبدا personne n'a vu Allah subhanahu dans cette dunya est-ce que il a une information du comment de la kayfiyya, un verset du Coran, un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas révélé al kayfiyya. Donc, baqiya, at-tamthil. C'est pour ça que Allah قال, laysa kamithlihi shay. Donc, ce verset, c'est une base dans la croyance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et kadhalik avec ce verset tu peux réfuter jami' ahli dhalal ceux qui se sont égarés dans ce chapitre ay les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs qala fal mu'min al muwahhid yuthbit as sifat kullaha 'ala al wajh al la'iq bi 'azamati Allah wa kibriya'ihi wal mu'attil yanfiha aw yanfi ba'daha wal mushabbih al mumathil yuthbituha 'ala wajhin yaliqu bil makhluq فالمؤمن الموحد يثبت الصفة على الوجه اللائق هذا important أي sans faire de تمثيل sans faire de تفويض في المعنى bien sûr sans faire de تحريف sans faire de تعطيل il accepte الصفة et ولله الحمد le sens il est معروف et il s'écarte bien sûr du تمثيل il s'écarte du تمثيل ليس كمثله شيء et il accepte الصفة أما المعطل فكما تقدم بعضهم يرجتent complètement les sifat, بعضهم il rejette certains attributs et al-mushabbih al-mumathil fa il accepte l'attribut lequel en faisant ressembler à la créature ou à certaines créatures. Amma al-mumathil à notre époque fa en tant que groupe en tant que firqa fa ربما لا تجد tu ne trouveras pas lakin هذه الافكار ربما elles sont encore répandues dans certaines contrées fikr التمثيل عيدا بالله اما ce qui est répandu à notre époque c'est التعطيل خاصة تعطيل المحرفة اي مذهب الأشاعرة اي le fait de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qui est beaucoup répandu à notre époque c'est pour ça que les ulama ils ont réfuté beaucoup الأشاعرة والمحرفة قال ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق فسي بور سا كون دوا سي سوميتر الحذر في هذا الباب باب الصفات وكذلك باب القدر tout ce qui concerne les attributs d'Allah سبحانه وتعالى le destin الحذر أن الإنسان il réfléchit trop il fait des comparaisons il se pose trop de questions Là, tu te soumets, tu crois et adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa tariqa salam. قال فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاث. إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره وإما عدم فصاحته وبيانه وإما كذبه وغشه. Ça c'est important. لماذا? C'est pour expliquer قوله ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل هنا il veut montrer أن كلام الله سبحانه وتعالى وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم bien sûr la sunna authentique c'est des textes clairs c'est des textes clairs tu n'as pas besoin d'interpréter أي في باب الصفات tu n'as pas besoin d'interpréter tu n'as pas besoin de faire des comparaisons rejetées Là, tu acceptes. لماذا لأن celui qui a révélé هذا الكلام c'est العليم c'est الخبير. فلهذا قال وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. Tu n'as pas besoin d'avoir des doutes si c'est un hadith authentique et bien sûr si c'est un verset du Coran. Tu n'as pas besoin d'avoir de doutes. Applique مذهب السلف accepte l'attribut واستريح. Tu n'as pas besoin de التكلف de t'imposer des choses de te poser trop de questions, de faire des comparaisons, mais هذا الدين الله سبحانه وتعالى il l'a révélé بحق et المسلمون الموحدون خاصة أئمة هذا الدين Wallahilhamd, ils ont accepté, ils ont expliqué depuis l'époque du prophète Aïssa sallam jusqu'à notre époque. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'ishkal. Tu n'as pas besoin de t'inventer, de t'imposer des problématiques. Là, ça cause que l'égarement. فثم قال فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور أما الكلام il peut poser des problèmes. Allez, tu peux trouver un kalam, il peut te poser des problèmes dans l'explication, dans le sens. Si al-mutakallim, c'est un jahil, naam. La preuve, c'est que des fois, wahed, il te parle ou il t'écrit un message, tu as du mal à comprendre. Est-ce qu'il veut dire telle chose? Est-ce qu'il prétend telle chose? L'imam al Rubama, celui qui parle ou celui qui t'a écrit, c'est un ignorant. Il a du mal à s'exprimer. Qala, wa imma adam fasahatihi wa bayan. Ou, il manque de fasaha, d'éloquence. Il n'est pas assez clair. Imma, c'est un ignorant. Imma, il manque d'éloquence. Qala, wa imma adam. Ou, qala, wa imma kadbuhu wa khishu. Imma, une information, et tu sais que celui qui t'a informé, c'est un menteur. Là, chaque que tu vas faire attention avant d'accepter. قال وإما نصوص الكتاب والسنة كأنه وأما نعم وإما وإما ثم وأما قال وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان وفي غاية نعم في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق كما قال ومن أصدق من الله قيلا. Donc tu n'as pas besoin de hada takalluf, d'essayer d'interpréter les anas. Si tu gardes le texte, ça va rubama engendrer telle chose, ou ça va avoir pour conséquence telle chose, de faire ressembler à la créature. Tu n'as pas besoin de hada. Celui qui a révélé hada le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu min Allah qila. Wa man asdaqu min Allah qila. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haqq. Et kalamuhu, c'est le haqq, c'est le sidq, c'est la vérité. Si on a un problème de compréhension, ça vient de nous. Et en général, ce problème de compréhension, il arrive matin quand l'insan s'écarte de la voie des salafs. On a là des problèmes de compréhension. Est-ce que les salafs, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Evident. Ben, ils ont écrit des livres pour expliquer هذا الباب العظيم. Est-ce que les salafs, ils ont déjà interprété? Evident. C'était les personnes qui avaient le plus de ilm. Ils avaient plus de ilm que ceux qui sont venus après. Et ils ont accepté As-Sifat. Donc, As-Salama, c'est de suivre la voie des salafs. قَالَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور. النبي صلى الله عليه وسلم il a été appuyé par la révélation, il a reçu la révélation, il a propagé دين الله عز وجل. Est-ce que يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a caché une chose, iyadam billah. Mathalan, ceux qui disent que le fait de dire qu'Allah il descend, en fait c'est un ange qui descend. Est-ce que ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas montré hada? Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ignorait? Et un autre qui est venu après, il a su et nous a montré. Hada, kalam Sheikh Sa'di al-An, il est tayyib et il est muhim. Qal, wa hal yumkin an yakun fi kalamihi shay'un min al-naqs aw al-qusur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas interprété cet attribut? Et un autre qui connaissait mieux, qui avait plus de ilm, il nous l'a expliqué après lui. Iyadam billah, hada, c'est très très grave. قال بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. لماذا؟ لأنه أفضل الأنبياء والرسل. C'était أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. C'était la personne la plus éloquente, la personne qui avait le plus de علم, la personne qui craignait le plus d'Allah عز وجل, la personne qui a propagé le plus la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala أمرنا باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. La seule solution, le seul moyen pour suivre الحق et être guidé, c'est de revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager عليه الصلاة والسلام. قال والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب العلم لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها surtout dans ce chapitre. لماذا؟ لأنه سان باب tu vas étudier ما يتعلق بصفات الله les attributs d'Allah سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم parler sans علم c'est très très grave. Le fait de s'avancer dans des choses sans science, c'est grave. Même dans Omur Dunya, même concernant la Dunya, on n'a pas le droit de mentir, de s'avancer sans science, il a arrêté. Enfin, fi Omur Din, c'est encore plus grave, celui qui parle sans aide. Mathalan, Wahad, il dit telle chose c'est halal, ou telle chose c'est haram, ou telle chose c'est une innovation, alors qu'il n'a pas de preuves, c'est grave. Enfin, que dire de celui qui parle fillah, azza wa jal, sans aide? Il dit Mathalan, Allah, il a tel attribut alors qu'il n'a pas. Ou il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tel attribut, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné clairement qu'il a cet attribut. C'est pour ça que hadha al-bab, on doit faire attention. C'est le bab le plus important, et c'est كذلك le chapitre où l'égarement, c'est le plus grave. قال رحمه الله وهذا معنى قول المصنف بعد إراده للآية الكريمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي يصفون به المبطلون المحرفون الله سبحانه وتعالى نزه نفسه سبحان ربك quand on dit سبحان الله c'est كلمة تنزيه أي أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه il est au-dessus de ce que هؤلاء prétendent مثلا بعضهم ils ont dit Allah il n'a pas d'attribut. Allah subhanahu wa ta'ala قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون c'est un mensonge. Allah il a des attributs parfaits. بعضهم مثلا ils ont dit là Allah il descend pas c'est الرحمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون c'est des menteurs. Ils ont prétendu une chose alors qu'ils n'ont pas d'ilm. Qui c'est qui les a informés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit clairement Allah il descend. Hum, ils disent un ange il descend. C'est très très grave. قال وسلم على المرسلين للسلامة ما قالوه من النقص والعيب تأمل après avoir نزه نفسه سبحانه عما يصفون أي ما يصف به المعطلة أو المشركون أو الكذابون مهم tous ceux qui se sont égarés ثم قال عز وجل والسلام على المرسلين هذه c'est une tazkiya et tu comprends de هذا الكلام أن si tu veux la guider si tu veux salama suis les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, on doit suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est le dernier des messagers. Qala, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Aïe, on revient à Kalam Shikh Saadi. Aïe, les salamati ma qaloo min al naqsi wal aib. Aïe, wa qala alhamdulillahi rabbil alameen li dalalati alhamd ala al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh. Aïe, قوله والحمد لله رب العالمين أي أن الله سبحانه وتعالى إلى الكمال المطلق أي les accusations, les mensonges de أهل التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتفويض tous ces égarés qui ont menti qui se sont égarés via هذا الباب الله سبحانه وتعالى قال والحمد لله أي الله سبحانه وتعالى il a les attributs parfaits malgré les accusations des gens ça change rien الله سبحانه وتعالى c'est رب العالمين وله الحمد et tu as beaucoup de texte في القرآن وفي السنة أن الله سبحانه وتعالى جمع بين التنزيه والحمد et ça c'est très très important وهنا مثلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التنزيه أي عن النقائص والعيوب donc الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النقائص والعيوب et tous les mensonges des égarés والحمد كما قال هنا الحمد على الكمال المطلق أي أن الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة donc si tu rassembles التنزيه et الحمد هنا الإثبات إثبات صفات الكمال tu auras التوحيد النفي والإثبات et souvent tu as هذا في نصوص الكتاب والسنة مثلا ذكر سبحان الله والحمد لله Tu as les deux, subhanallah wa alhamdulillah. Subhanallah al-tanzih, alhamdulillah al-ithbat. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-awsaf al-kamila. On a ktafi أبي هذا والحمد لله. فغيزي هذا الباب c'est un باب مهم. Et on passe à notre prochain درس إن شاء الله تعالى. Et continuer l'apprentissage du maître.